Si on prend un peu de distance, on pourrait dire aujourd'hui, sans trop d'hésitation, on ne pouvait pas dire que l'on ne savait pas. Que cette crise sanitaire mondiale liée à l'émergence de ce virus nouveau n'avait pas été annoncée. Et pas qu'une fois, en fait, nous savions depuis longtemps. Les institutions comme l'OMS savaient, ils avaient été alertés, et ils avaient alerté depuis plusieurs années sur la menace d'une maladie émergente qui plongerait la planète entière dans le chaos. Les États savaient et avaient tous des scénarios de plans d'action au cas où. Et puis, cela s'était déjà produit à moindre échelle avec le SRAS, le MERS, la grippe H1N1 ou Ebola. Alors que s'est-il passé? Pourquoi, comme le dit notre invité du jour, ce qui n'aurait jamais dû se passer, s'est passé? Une catastrophe écrite à l'avance, c'est le programme rétrospectif qui est notre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans les méthodes scientifiques en direct. Et cette citation que je viens de vous donner, ce qui n'aurait pas dû se passer, s'est passé. Je l'emprunte donc à notre invité du jour, que nous sommes ravis de recevoir à distance, bien sûr, pour évoquer le contexte de l'apparition de ce nouveau virus, des précédents et certainement des suivants. Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir à ce micro. Vous allez donc bien nous dire un peu ce que cette crise, eh bien, est en train de changer à notre rapport au monde, le monde du vivant, le monde animal et à la planète en règle générale. Je rappelle que vous êtes biologiste, professeur à Sorbonne Université et professeur invité au Collège de France. Ce lien entre l'animal sauvage et l'humain, cette passerelle qui conduit au franchissement de la barrière d'espèces, comme je le disais, on ne la découvre pas aujourd'hui. La preuve en est de notre archive du jour. Nous sommes en 1996. Il est question d'un autre virus, Ebola. Et c'est Bernard Le Guénot que l'on écoute sur France Culture dans Perspectives Scientifiques. On peut dire qu'il y a 1 million, 10 millions, 100 millions d'années, personne ne peut le chiffre exactement, un ancêtre commun à tous ces virus existait et qu'ils ont évolué, coévolué avec leurs hôtes, puisque les virus sont des parasites stricts. Donc, dans le domaine des hantavirus, qui est le responsable de la fièvre hémorragique à vaccin brénal, qui est un domaine extrêmement exploré depuis 1993 à cause de l'épidémie qui a eu lieu aux États-Unis, on a pu faire une association extrêmement stricte entre les espèces de virus et les espèces de rongeurs. Et donc, on a pu prouver ainsi donc que l'épidémie américaine était due à un virus présent aux États-Unis depuis des millénaires. Et en Europe, on a plusieurs types de virus, donc Dobrava qui est en Slovénie, qui est hébergé uniquement par un type de mulot. Et vous avez la forme bénigne, si on peut dire, en Europe de l'Ouest, dont la France, et en Europe du Nord, due au virus Pumala, qui n'est hébergé que par le campagnol roussat, qui est un petit rongeur qui vit en forêt, très différent des mulots. Donc, le jour où on trouvera le réservoir d'Ebola, on pourra également faire la phylogénie non seulement du virus, mais du réservoir, voir comment ces êtres ont pu se séparer il y a quelques millénaires. Voilà, extrait donc de Perspectives scientifiques sur France Culture en 1996 à propos du virus Ebola. Une réaction, Gilles Boeuf, à cette archive? Ce que disait notre ami là me touche beaucoup parce que moi je connais un autre cas de hantavirose, c'est un qui est transmis par un petit rongeur qui s'appelle El Raton de Cola Larga, le petit rat à longue queue qui vit au Chili, et j'ai vu une petite fille en mourir simplement parce qu'elle avait simplement respiré de l'urine de ce petit raton là justement en allant chercher du bois. Et on a mis une relation très nette entre la floraison d'un bambou que mange ce petit raton, et tous les 7 ans on a une occurrence comme ça d'épidémie très grave de hantavirus au Chili. Donc c'est tout ça qui est extrêmement important. Et sur Ebola, bien sûr, évidemment. Alors, pour l'instant, on est beaucoup penché sur les chauves-souris pour Ebola, mais on n'en est pas aussi certain qu'on était il y a quelques temps. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a ces sauts d'espèces qui sont extrêmement importants, d'une espèce sauvage, via une espèce domestique ou pas, d'ailleurs on pourra en parler aussi, à l'humain. Et c'est vrai que la série d'épidémies qu'on a vécu depuis maintenant le début du troisième millénaire, des années 2000, là, dont vous parliez tout à l'heure, sont extrêmement préoccupantes. C'est pour ça que nous, scientifiques, on n'a quand même pas très bien réagi quand on nous a dit « on ne savait pas, c'est pas vrai ». C'est écrit depuis pas mal de temps, l'OMS depuis pas mal de temps nous dit « vous savez, ça va revenir ». On a le rapport du Comité national d'éthique français de 2009. Écoutez ma leçon au Collège de France aussi en 2013. C'est vrai que tous, on sait bien que ces problèmes de maltraitance de la biodiversité et de mise en relation, en promiscuité, je dirais, immonde, d'animaux sauvages avec des animaux domestiques, avec des humains, amène à ces questions-là que l'on évoque ici. Et vous vous rappelez que les épidémies passées que vous évoquiez tout à l'heure, elles sont passées par des hôtes très différents. Hein. Pour le maire, c'était le dromadaire. On a eu des cas assez incroyables. Hein. Mais même la peste noire du Moyen-Âge, hein, les grandes pestes, c'était une trilogie entre le rat, la puce et puis l'humain. Donc chaque fois qu'on se retrouve avec des choses qui ne devraient pas se passer, on met en présence des espèces qui ne devraient pas se rencontrer. Hein. On a ces possibilités. Tout à l'heure, notre ami a dit une chose très juste. Le virus est un parasite. Et un parasite, vous savez ce que c'est, sa qualité numéro un? L'opportunisme. Un parasite qui n'est pas opportuniste ne s'en sort pas. Il a besoin d'un hôte pour se développer. Et c'est là que ces virus de chauve-souris, ces virus de différents rongeurs qu'on évoquait depuis tout à l'heure, là, posent des problèmes très importants. Parce que effectivement, là, depuis le début du 21e siècle, SRAS, MERS, H1N1 et plein d'autres d'ailleurs qui sont passés sous silence et dont on parlera peut-être tout à l'heure, le virus Nipah par exemple, en 2018, l'OMS émet une alerte de santé internationale en disant attention à ce qu'ils appellent le clade X, la maladie émergente qui va semer le chaos sur toute la planète. Tous les États ont des plans d'action, mais qui sont à l'état de scénario, pour se prémunir contre ce type d'événement. Et pourtant, eh bien voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a raté, Gilles Boeuf? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, on est sur des zones, c'est pas par hasard hein, si ces épidémies, là, elles démarrent en Chine, effectivement. Hein, et toutes celles dont on parlait depuis quelques temps, là, en fait. Hein. Alors que la grippe espagnole... À part Ebola. Oui, bien sûr, Ebola, puis la grippe espagnole, elle est partie aussi des États-Unis au départ. Ebola, c'est une maladie africaine, hein. C'est rien de chauve-souris de la région, effectivement, de l'Afrique de l'Ouest. Non, ce qui se passe, c'est que on met en promiscuité des espèces parce qu'on a des marchés d'animaux vivants. Et vous savez, ça démarre toujours avec des espèces sauvages qui sont chassées, braconnées. Hein. Là, on va parler effectivement de la civette masquée. Hein. C'était le cas effectivement du SARS là, de 2002-2003. On parle en ce moment du pangolin. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un papier dans Nature sorti au début du mois de février qui montre que la séquence là est très claire. C'est pour ça que quand on dit ce virus est né dans un laboratoire, qu'on arrête. Il y a même des gens qui ont affirmé que c'est l'Institut Pasteur qui l'avait inventé. Ça me rend malade. C'est pas possible qu'on dise de telles bêtises. En plus, je dis souvent qu'on m'explique l'intérêt pour un laboratoire de produire un virus infectieux qui va échapper d'un laboratoire. Et puis, quelle est la raison? On me dit, ils veulent vendre des vaccins. Alors là, je vais être très clair. Hein. Si vous voulez vendre un vaccin, vous l'avez préparé à l'avance. Et le jour où l'épidémie démarre, vous le mettez sur le marché, votre vaccin. Donc, c'est de la stupidité. Personne, et pour nous, sur les séquençages qui ont été faits par notre ami Assanin là, au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est un virus de chauve-souris au départ, hein, le cas de ce petit coronavirus 19, parce qu'il est apparu en 2019. Mais il y a autre chose. On a trouvé des analogies également avec une séquence virale d'un pangolin, hein, ce petit animal dont on a beaucoup parlé à l'époque, est un folidote, un animal, il y a trois espèces en Asie, trois espèces en Afrique, qu'on braconne éhontément, dont on utilise la chair, également les écailles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suppose que sur un marché comme celui-là, il y a eu des chauves-souris qui ont déféqué sur des pangolins qui étaient dans la cage d'en dessous, et puis on a mangé ces pangolins. Donc, voilà, alors si c'est pas un pangolin, on regarde beaucoup en ce moment, ça pourrait être aussi la civette masquée à nouveau, hein, comme dans le cas du SRAS qui était démarré là au début des années 2000. Le cas du MERS, c'était le dromadaire. On a parlé du Nipah, c'était des cochons. Il y a eu plein, effectivement, de choses comme ça. La grippe espagnole, il y a un siècle, c'était des canards. Donc, sans arrêt, si vous mettez en promiscuité des espèces vivantes, on est bien d'accord, ce sont des animaux vivants, eh bien, on a des passages. Et un virus comme celui-ci, pourquoi est-ce qu'il est aussi infectieux et qu'il nous gêne tant que ça, ce petit... virus actuel, parce qu'il est nouveau. Si on l'avait déjà rencontré, on aurait eu de la réaction immunitaire, en fait, dans les populations humaines. Il est très infectieux. Heureusement, il n'est pas trop, trop méchant. On verra quel type de population il cible tout à l'heure. C'est extrêmement intéressant d'y réfléchir. Hein. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ce qui ne devait pas se passer, c'était la mise en promiscuité d'animaux qui ne devaient pas se rencontrer, qui s'est produite. Et la deuxième chose sur laquelle également on s'interroge, comment, aussi vite que ça, il a fait le tour du monde? On a des vols qui sont partis de Chine vers Singapour ou vers l'Italie quelques jours après. Comment le pays qui s'en est le mieux sorti, qui est Taïwan, à la porte de la Chine, 23 millions d'habitants, ils ont eu 5 morts. Le lendemain, l'aéroport de Taipei était fermé. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait que on savait que ça pouvait se produire, on l'avait complètement oublié. Et c'est là que moi, je m'oppose un petit peu à tout ce qu'on dit, comme beaucoup de scientifiques. On dit effectivement, arrêtons de dire qu'on savait pas, et puis surtout... préparons-nous à ce qui se passe. Mmh. Et enfin, Il nous faut une réaction aujourd'hui très puissante pour que ça se reproduise pas. Imaginez une prochaine pandémie qui tuerait les jeunes. Celui-ci, il tue des personnes âgées, il tue des personnes en surcharge pondérale, il tue des personnes en diabète de type 2, il tue des personnes en hypertension artérielle, des franges de population qui sont issues de la malbouffe dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc si notre physiologie est un petit peu déficiente, l'immunité aussi, c'est pour ça qu'il est plus dangereux pour les personnes qui sont âgées. La moyenne d'âge des gens qui sont morts, elle est au-dessus de 70 ans. Donc c'est vrai que réfléchissons à tout ça. Tirons parti de la situation pour que ça ne se reproduise pas. Donc ces marchés dans des conditions aussi ignobles que je disais tout à l'heure, il faut les arrêter. Malheureusement, la Chine a pris la décision, bien heureusement pour là, d'arrêter ça. Mais par contre, ils ne l'arrêtent pas pour l'introduction, effectivement, de ces animaux pour de la pharmacopée traditionnelle. Et ça, bon, ça arrange pas les choses, hein. Regardez la corne rhinocéros. Elle rend pas les gens malades, mais elle sert à rien. Et c'est de la kératine, hein. C'est la même chose que nos ongles. Alors je dis souvent, vous voulez trouver des aphrodisiaques, rongez-vous les ongles. On me dit ça marche pas. Eh ben non. Eh ben la carne de rhino, ça marche pas non plus. J'ai un mot pour dire tout de même. Il y a aussi des comorbidités qui sont liées à des facteurs physiologiques ou génétiques et pas uniquement évidemment liées à l'hygiène de vie, bien entendu, même si c'est évidemment un facteur d'aggravation considérable. Vous avez une expression, Gilles Boeuf, qui me semblait intéressante là-dessus. Vous parlez de la myopie du désastre. Oui, c'est un travail qui a été fait par des philosophes récemment, un papier dans The Conversation. On montre en fait qu'on appelle la myopie du désastre quelque chose qui correspond à un phénomène où on oublie. Et ça, Boris Cyrulnik nous le raconte très souvent. Quand on a vécu des expériences désagréables, on a tendance à beaucoup plus les oublier, heureusement, hein, pour notre bien-être et notre résilience, que les choses qui ont été agréables, qu'on va garder tout le temps. Donc c'est un, on oublie que ça s'est passé. Mais deuxièmement, ce qui se passe, c'est que quand on sait que les occurrences sont faibles, hein, c'est pas des choses qui vont se produire de façon inéluctable, eh bien, on finit par associer la probabilité qui est faible à zéro. Et ça, c'est pas vrai. Et c'est là que le monde politique a failli dans cette histoire-là, parce que c'est pas zéro. La preuve, c'est que ça se produit. C'est ça, la myopie du désastre, pour des choses aussi désagréables que ça, on finit par dire, non. D'abord, on oublie qu'elles se sont passées, puis deuxièmement, ça va pas revenir. C'est pas vrai. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h12 sur France Culture, nous avons le plaisir et le bonheur de nous entretenir avec Gilles Boeuf tout au long de cette heure autour de cette crise sanitaire qui agite la planète entière et qui remet en question un certain nombre de rapports que nous avons développés avec la nature, avec le monde sauvage. Nous allons évidemment l'évoquer tout au long de cette heure. Dans une deuxième partie, je le précise tout de suite, on va essayer de penser à l'après, bien sûr, c'est de se dire comment cette crise sanitaire nous enjoint, nous ordonne de changer notre rapport au réel et au vivant. Pour commencer, peut-être pour faire un petit coup d'œil rétrospectif à ce qui vient de se passer, Gilles Boeuf, même historique, le passage de pathogène de l'animal à l'homme, on le dénonce aujourd'hui et on l'a entendu dans ce que vous venez de nous dire, mais néanmoins, les zoonoses, c'est la base de toutes les pathologies humaines, et ce depuis l'aube des temps. On a toujours attrapé des maladies à cause de la promiscuité avec les animaux. Tout à fait. Bien sûr. Il y a eu un joli article d'ailleurs de quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Jared Diamond avec d'autres auteurs dans les années 2006 dans Nature où il montrait comment les humains sont contaminés depuis 50 000 ans. On prend Homo sapiens, hein. Eh bien, effectivement, alors c'est intéressant de regarder quels sont les types d'animaux qui nous ont transmis des pathogènes. C'est pas n'importe lesquels, hein. Chez les mammifères, ça a été des rongeurs, on évoquait tout à l'heure, et beaucoup des chauves-souris aussi, en fait, hein. Les chauves-souris parce que elles sont d'incroyables réservoirs à virus. Elles vivent dans des zones reculées, des cavernes, par exemple, des grottes. Et puis, elles sont très nombreuses pendant l'hibernation. Et c'est vrai qu'elles sont des réservoirs à virus très importants. Beaucoup des maladies qu'on a évoquées viennent de chauves-souris. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que quelquefois, ces virus tuent une colonie. Et on va parler de l'effet dilution qui est extrêmement important. Dans un instant. Une colonie disparaît. C'est vrai, ça peut arriver. Mais ce qui va se passer, c'est que sans arrêt, dans le virus opportuniste, il va rencontrer des populations d'espèces vivantes, hein, qui vivent dans les mêmes régions, avec deux aspects intéressants à raconter sur la biodiversité. Un, plus le milieu est biodivers, plus il y a d'espèces, et mieux c'est, pour ne pas effectivement que ces virus changent d'espèce. Et deuxièmement, on montre aussi que peut-être aussi important, c'est qu'au sein des individus ciblés par le virus, vous avez une très grande variabilité génétique qui fait que le virus en permanence va rencontrer des individus qui vont lui résister. Ce qui fait qu'il peut tuer une colonie d'un endroit précis, mais il passe pas d'une colonie à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'a raconté Felicia Kissing dans un très beau papier publié dans Nature en décembre 2010. Elle appelle ça l'effet dilution. Si on diminue le nombre d'espèces vivantes dans ces milieux particuliers, une forêt tropicale par exemple, et surtout si au sein des espèces ciblées par le virus, on diminue la variabilité génétique et que dans ce cas-là, on a des individus qui vont de plus en plus réceptifs à la pathogénicité du virus, c'est terrible. Et là, on montre effectivement que ces aspects qu'on discute ici aujourd'hui sont liés à une maltraitance de la diversité. Il y a moins d'espèces et surtout, au sein des espèces ciblées, il y a moins de capacité à réagir. Et dans ce cas-là, le virus, ben, il change. Hein. Vous savez, ces chimères qui s'établissent, on a dit ici, peut-être, la chauve-souris, c'est certain, hein, c'est Rhinolophus, ça, c'est clair, mais peut-être avec un pangolin ou bien avec une civette masquée. Mmh. Et tout à l'heure, on a cité d'autres hôtes. C'est ces promiscuités qui sont des gros problèmes. Et bien sûr, ça relance tout le débat sur les élevages intensifs d'espèces domestiques aussi, bien évidemment. Hein. C'est sûr que des espèces avec des fermes à 1000 vaches, des cochons dans des quantités incroyables, 23 milliards de poulets sur la Terre, hein. Et ça amène au problème qu'on évoque depuis tout à l'heure. Hein. Comment est-ce que il faut absolument éviter ces mises en relation entre ces animaux sauvages, ces animaux domestiques et les humains? Et depuis toujours, ça a été ça. Dans le papier de Diamond que j'évoquais tout à l'heure, il montre très bien que le premier pas, c'est des pathogènes qui sont que chez l'animal et jamais chez l'humain. On a des cas ensuite où le pathogène passe à l'humain, mais simplement une transmission d'humain à humain, c'est pas un truc très infectieux. Puis après, on va passer d'un système qui passe de l'animal à l'humain et transmission entre humains. Et puis après, on finira effectivement par l'extrême total où le pathogène n'est plus que chez l'humain. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui du HIV. Donc il y a toute une gradation comme ça dans les manières dont l'humain s'est contaminé. Et je clorerai là-dessus en vous disant une chose, c'est que maintenant, le fait d'élevage d'animaux, par exemple, les new pets, hein, comme on dit ça en anglais, où le type, il a un rat dans sa poche, ou un reptile ou autre chose, font qu'on relance des discussions sur ces questions-là. Parce que ces animaux sauvages, ben, ils sont pour être sauvages et rester là où ils sont, hein. Mais plus il y aura de promiscuité, plus ça sera dangereux. C'est idem pour la consommation alimentaire, d'ailleurs. Ces animaux sauvages, ouais, ce sont des animaux de compagnie atypiques, hein. Effectivement, il y a un marché qui est d'ailleurs pour moitié illégal, un marché international très important dont on ne mesure certainement pas l'ampleur, mais dont il avait été question plusieurs fois dans l'émission. Peut-être pour rester tout de même sur ses origines, en tout cas sur ses zoonoses, hein, le passage de ces pathogènes de l'animal à l'homme. Quelle serait la différence selon vous, Gilles Boeuf, entre ces passages continus qui ont donné, on en avait parlé ici finalement au début de l'agriculture, au début de l'élevage, vraiment de la sédentarisation de l'être humain, il y a eu plein de maladies qui sont passées du bétail à nous et qui sont restées d'ailleurs. Il faut rappeler qu'on a 4% d'ADN viral dans notre ADN, hein, c'est pas rien. C'est important de le dire, bien sûr. Hein. Bien. Et quelle est la différence entre ces bascules-là, c'est-à-dire ces bascules antiques, historiques, et ce que l'on constate aujourd'hui? Est-ce que c'est plus fréquent? Est-ce que c'est plus létal? Quelle est la différence finalement entre ces mécaniques zoonotiques d'antan et d'aujourd'hui? Il y a une réponse très simple à cela, qui est évidente, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux, nous aussi. Hein. Ce qui fait qu'un événement qui se produisait en l'an 1000, par exemple, cognait beaucoup moins, parce qu'il y avait beaucoup moins d'humains. Pour beaucoup de choses, c'est comme ça, en fait. Donc aujourd'hui, on crée des conditions. En fait, c'est pas que l'humain crée des conditions de faire apparaître des systèmes particuliers, mais il crée des conditions d'occurrence, de transition d'espèce à l'autre, et surtout avec une virulence beaucoup plus grande, bien évidemment. On est en train de modifier ces virulences. Et on revient à ce qu'on disait à l'instant tout à l'heure, ce que vous avez appelé la comorbidité. C'est très important. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les populations actuelles, on s'offre à des problèmes de ce type-là. Alors, ça a toujours existé, bien sûr, mais c'était pas trop important parce qu'on n'était pas très nombreux au tout démarrage de l'agriculture. C'est intéressant de regarder que, par exemple, on pourrait imaginer que les maladies les plus importantes chez l'humain sont venues des singes. Pas tellement. Il y a eu des cas, hein, le cas du HIV et des ancêtres du HIV, mais il y a eu beaucoup de cas où c'est des chiens, des chats, comme vous disiez tout à l'heure, des animaux domestiques classiques, qu'on met dans des conditions d'élevage pas possibles. Quand on regarde ce que vous mangez, combien de viande? 5, 6. Tous les humains mangent 5 ou 6 espèces sur aujourd'hui 5000 espèces de mammifères. En oiseaux, on en mange 2, 3, toujours les mêmes. Donc effectivement, quand on met ces animaux dans des conditions 10 poules, je connais pas les chiffres précis au mètre carré, je dis, ou des fermes de 1000 vaches, on a 23 milliards de poulets sur la Terre, hein, on a 1,3 milliard de vaches. Donc pourquoi ça s'accélère par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'occurrences des contacts qu'on évoquait tout à l'heure, sans aller jusqu'au mode justement qu'on évoquait d'animaux de compagnie un peu bizarres comme des grenouilles ou bien des serpents. Donc aujourd'hui, réharmonisant la relation avec le vivant et la biodiversité, respectons-la. Entre jours, on m'a dit, vous comprenez, c'est simple, votre histoire de chauve-souris, mais il faut les éradiquer. Mmh. Surtout pas. Surtout pas. Le virus, il sortira, il ira ailleurs. Gardons nos chauves-souris en réservoir, mais là où elles sont. Hein, pas dans des conditions où elles sont en promiscuité avec des animaux qu'elles n'auraient pas dû rencontrer. C'est là qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Bien sûr, on en a de plus en plus. Puis, alors, la virulence, après, elle peut être très variable. Regardez celle de la grippe espagnole. C'était un H1N1, hein. Ben, ça a tué peut-être, je sais pas, 50 millions de personnes dans le monde. Et quand vous regardez aujourd'hui, sur une courbe de l'humanité en nombre d'individus depuis le démarrage, hein, on était à peu près 5 millions d'humains il y a 12 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger et qu'il invente agriculture et élevage, on arrive à 8 milliards. Et bien, les deux seules fois où nous avons régressé en nombre d'individus, c'est pas pour des guerres, c'est pour des pathologies de ce type-là, hein. Les pestes noires au Moyen-Âge, et puis ensuite, bien sûr, la grippe espagnole il y a juste un siècle. Donc c'est là qu'effectivement, on doit vraiment réfléchir à ceci. Et je vais rebondir sur ce que disait le président Macron le 16 mars dernier, quand il a dit, moi pour un écologue, j'étais trop content qu'il dise une chose comme ça, le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant. J'espère que ce petit virus va être effectivement le déclencheur, hein, d'une prise de conscience collective des problèmes que l'on va rencontrer. On en parlera tout à l'heure, hein, d'ici une dizaine de minutes dans la deuxième partie de cette mission, cette question du jour d'après. Est-ce qu'il y aura effectivement un jour d'après? Est-ce que nous allons tirer individuellement et collectivement des leçons de ce que nous venons de traverser, ce que nous sommes encore en train de traverser? J'aimerais qu'on revienne un peu, parce que c'est tout de même intéressant. Vous avez co-signé une tribune dans Le Monde le 6 mai dernier, Gilles Boeuf, qui s'appelle oui. Arrêter de maltraiter les animaux et les écosystèmes est aussi un impératif de santé humaine. J'aimerais qu'on revienne un peu, parce que vous l'avez expliqué, mais qu'on explicite un peu cet effet de dilution. Parce qu'on pourrait dire, effectivement, on pourrait penser, et ma foi, puisque ces animaux sauvages sont pleins de maladies, finalement, bon, si leur quantité diminue, on diminue avec les maladies qu'ils peuvent nous transmettre. Pourquoi est-ce que, à l'inverse, il faut penser justement exactement à l'opposé de ce raisonnement-là et dire maintenant une grande diversité non seulement d'animaux sauvages mais d'individus au sein de chaque espèce pour précisément éviter qu'il puisse y avoir transmission. Alors ça, j'aime beaucoup cette question parce que c'est en plein dans l'émission La Méthode Scientifique. Allons-y. Expliquer aux gens qui nous écoutent que d'abord la science n'est pas une opinion, hein, on en a entendu des opinions depuis quelques temps, et surtout que souvent le résultat scientifique est contre-intuitif. Hein. Justement, c'est pas du tout. Et moi, j'adore en chercheur, quand je cherche quelque chose, trouver exactement l'inverse de ce que j'avais imaginé au départ. Ah, ça me plaît beaucoup. La nature, ben, elle fait ce qu'elle veut. C'est quelque chose de très différent. Donc, si je reviens à l'histoire de la maltraitance du vivant et de l'effondrement du vivant qui va nous amener à de plus en plus de pandémies, c'est bien lié à ça. L'effet dilution que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que lorsque vous avez une biodiversité en parfait état, elle va diluer la pathogénie possible de ces virus, de ces parasites. Mais comment en fait, ça? Parce que simplement, sans arrêt, le virus va rencontrer des individus capables effectivement de lui résister. Et donc de moins s'installer. Plus on va amenuiser cette diversité-là, et plus on va avoir des boulevards, des autoroutes pour nos virus. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, et vous l'avez bien dit aussi, le virus est un parasite, donc parfaitement opportuniste. Et les opportunités sont beaucoup plus grandes dans une population effectivement qui est en mauvais état, avec moins d'individus, parce que vous n'avez pas ces réactivités qui sont pratiquement liées à chaque individu lui-même, si vous voulez, hein. Et ça, c'est important à bien le prendre en considération. On a plusieurs cas, on a travaillé sur ces questions-là. C'est vraiment très net. Effectivement, c'est contre-intuitif, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais non, regardez par exemple le produit du palu, par exemple, en Guyane, on avait pas mal de... La malaria, le paludisme. Oui, c'est ça. Non, mais vous dites le palu. On sait jamais. Je réexplique le paludisme. Peu importe. Allez-y. Excusez-moi, je vous interromps. Continuez, Gilles, je vous en prie. Prendre par mon sujet. Allez-y. Eh bien, on démontrait que sur une séquence de grands arbres, il y avait une trentaine de moustiques différents, d'espèces différentes, de la base, du sol, jusqu'au sommet de la canopée à 40 mètres. Eh ben, quand on coupait ces arbres, on s'est rendu compte, effectivement, qu'on ramenait des moustiques qui portaient, effectivement, des plasmodiums. C'est le responsable du paludisme et de la malaria, de la sommet des arbres au niveau du sol. Et là, bien sûr, là, ils piquaient beaucoup plus les humains. Les humains montent rarement à 30 mètres pour aller se faire piquer par un moustique. On a plein d'exemples comme ça. Là, qui est très mécanique et physique, c'est le fait qu'on a détruit la forêt tropicale et que ces arbres ont été enlevés, qui va lancer une recrudescence. Et puis aussi, il faut bien dire, pour répondre à votre question par rapport à tout à l'heure et au démarrage d'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, on transporte tout partout, avec des vélocités incroyables. Moi, en biologie, j'ai été ahuri de voir la vitesse à laquelle ce virus a fait le tour de la planète. Et c'est là qu'effectivement, on revient à ces questions qu'on connaissait depuis très longtemps. Vous vous souvenez, autour de Roissy, on avait des cas de Zika, de chikungunya, des cas de paludisme aussi, qui étaient de dengue, de gens qui n'étaient jamais sortis en fait de la région parisienne. Ben aujourd'hui, si on continue à avoir ces transports, ils volent par jour dans le monde en ce moment, ils volaient avant la crise actuelle, 120 000 avions par jour. Et c'est là que je me lève contre ces compagnies aériennes qui, au lieu de se poser la question comment on fait pour beaucoup mieux gérer ces transports, nous dire quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant le système. Eh ben non, ça c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne ça en considération. C'est un, de créer des situations d'occurrence de choses qui n'auraient pas dû se passer, et deuxièmement, une dissémination avec une vélocité vraiment effarante. Rappelez-vous l'arrivée d'un bateau à Marseille lors des grands épisodes de peste noire. Oui, bien sûr. Il y a des historiens qui ont très bien raconté ça. C'est l'horreur totale. Le bateau arrive et il va contaminer toute une cité, en fait. Ben là, c'est des avions tous les jours, en tous les sens, qui transportent, en fait, ces pathogènes possibles. Donc, encore une fois, on crée des conditions de dissémination et de virulence comme jamais, en fait, aujourd'hui. Mais il est évident, d'ailleurs, on va vous mettre sur le fil Twitter le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement à l'histoire de la peste et qui raconte comment, évidemment, l'histoire de la peste, comme l'histoire de toutes les grandes épidémies, est intimement liée à l'histoire des transports. On avait également raconté l'histoire du VIH, qui est également intimement liée au développement des chemins de fer d'abord en Afrique de l'Ouest et puis petit à petit des vols internationaux et qui finissent par disséminer l'épidémie. Mais alors du coup, la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, Gilles Boeuf, c'est que on comprend bien aujourd'hui que le SARS-CoV-2 a été répandu très vite grâce au trafic aérien que vous décrivez. Mais pourquoi le SARS-CoV-2 et pourquoi pas le SRAS, pourquoi pas le MERS, pourquoi pas plus Ebola, pourquoi pas la grippe de Hong Kong? Pourquoi est-ce que ces maladies-là ne se sont pas déployées à l'ampleur de ce que nous connaissons aujourd'hui pour la Covid-19? Ouais. Eh ben, ça, c'est la très bonne question. On n'a pas encore la réponse. On l'a pas compris. Déjà, on n'a pas tout expliqué. Même sur les pandémies antérieures, par exemple celui que vous évoquez là, le SARS là, qui était beaucoup plus méchant que l'actuel, hein, que notre virus actuel. Bien sûr. Bah, taux de mortalité répondu, 30%. Hein, 30%. Pardon. 30% le SRAS de taux de mortalité, si mes souvenirs. Oui, vous vous rendez compte. Ouais. On n'en est pas là ici. On est à 0,5 là. Voilà. Alors pourquoi? Ça c'est une vraie très bonne question. J'espère que des chercheurs vont se pencher sur ce genre de questions là. Pourquoi? Ben probablement pour des questions qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être de situations de comorbidité, pour des questions de mode de vie. Moi, je lis beaucoup ça aussi quand même à des questions, peut-être génétiques, c'est clair, il y en a quelques-unes, mais beaucoup de malbouffe aussi. Hein. Pourquoi il y a autant de gens aujourd'hui qui vivent dans des conditions que la médecine moderne, en fait, rend possible, hein. Mais ça relance tout le débat, en fait, sur la question de la médecine de base, où on devrait tout faire pour ne pas être malade, plutôt que de tout faire pour traiter des gens malades. Bien sûr qu'il faut traiter des gens malades, on est entièrement d'accord. On a gagné 35 ans d'espérance de vie, hein, depuis 1840 à peu près sur l'humain. On a gagné 15 cm en taille, on a gagné mais 30 kilos aussi en masse corporelle. On mange deux fois plus, donc tous ces aspects-là vont jouer. Et quand je vois comment le Covid la cible et ces gens qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas du tout inintéressant de s'y pencher. Alors pourquoi est-ce que les précédents n'ont pas fait la même chose? Regardez par exemple la grippe espagnole, elle était terrible. Elle a tué beaucoup de jeunes, hein. C'est ce que je dis, moi d'ailleurs, c'est en ce moment, je veux pas du tout être un catastrophiste, mais imaginons une nouvelle pandémie qui, au lieu de tuer des gens de 70, 80 ans, tue les jeunes. Là, ça a été extrêmement restreint. Donc c'est tout ça sur quoi il faut se pencher. Alors pourquoi des épidémies s'arrêtent? Ça c'est la vraie question. Par exemple, aujourd'hui j'attends, va-t-on avoir un sursaut, hein, du Covid là, ou bien va-t-on en rester là? Bon, 28 000 morts en France, dans le monde. Je regardais les pics par jour en France. On l'a atteint le pic il y a un mois à peu près en France. Hein. On a eu 1600 morts un jour, hein, entre les morts dans les EHPAD et les morts à l'hôpital. Ça a été le maxi en une journée. Ça va être le 26 avril par là. Et puis, ben, ça s'atténue beaucoup. Autre question pour répondre, qui apporte de l'eau à votre question de tout à l'heure. Pourquoi des régions s'en sortent infiniment mieux que d'autres? Imaginons la Nouvelle-Aquitaine ou bien l'Occitanie séparée de Paris dans des pays différents. On aurait dit, ils ont géré le problème la question sans problème. Il y a eu plus de morts. Il y aurait eu, oui, je regardais un article sur l'Occitanie, il montrait que le simple fait d'avoir arrêté le trafic routier a fait que, si je tiens compte des morts du Covid, Il y en a beaucoup moins que les morts sur la route pendant la même période. Et ça relance le débat qui a été lancé aussi en Chine, où des gens ont dit, vous savez, l'existence du Covid a évité beaucoup plus de morts qui seraient produites par la pollution industrielle de l'air, par exemple, ou de l'eau. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment qu'on regarde de près. Mais pour l'instant, répondre à la question pourquoi certaines pathologies se répandent plus que d'autres, elles peuvent se répandre, mais elles sont différemment impactantes, ça c'est vrai. J'ai pas la réponse, hein. Il y a d'autres, parce qu'on parle de ces épidémies connues, mais dans la série Franchissement de barrières, assez surprenante et assez inquiétante, et des épidémies qui sont restées relativement maîtrisées. Il y a notamment, on l'évoquait tout à l'heure, le virus Nipah. On est à la toute fin. Oui. C'est incroyable. On est au tournant du siècle, là, entre 99 et 2000, et là on est sur un virus qui passe. Alors je vais vous laisser raconter ce que c'est que ce virus, mais on arrive à des taux de létalité qui sont entre 60 et 70%. Ah oui, terrible, c'est terrible. Terrifiant. Ouais. C'est quoi ce virus, Gilles Boeuf? Ben, c'est un truc qui nous a beaucoup, beaucoup préoccupé, hein. Il y a eu le cas aussi des cochons au Mexique. C'est parti de cochons, là, hein. Et c'est des transports, en fait, de viande de Malaisie sur Singapour. C'est ça. En 98. C'est vrai que c'était terrible, hein. Vous avez tout à fait raison. Avec une virulence absolument incroyable. Qu'à Ebola, d'ailleurs, aussi, hein, quand on parlait tout à l'heure d'Ebola. Ebola, on est autour de 60% plus. Ça n'y passe, c'est le taux de létalité un peu supérieur. Je crois, je dis ça à la... On est d'accord tous les deux. Il y a des spécialistes qui vous raconteraient ça mieux que nous. Mais c'est vrai, tout à fait, hein. Donc, moi, c'est une vraie question que j'ai qui me lancine en permanence. Pourquoi ça s'arrête tout d'un coup? Et pourquoi ça peut repartir? Et c'est pour ça qu'il faut extrêmement, aujourd'hui, être précautionneux sur la façon dont on traite ces questions particulières, hein. Regardez, je vais revenir aussi à une pathologie qui a été monstrueuse, qui était la variole, hein. Comment on a arrêté ce médecin américain qui a compris que c'était pas une vaccination générale qu'il fallait utiliser, mais une vaccination bien précise, bien ciblée, et on l'a arrêté, on l'a quasi fait disparaître. Mais tout ça peut revenir, hein. Je me rappelle une conférence à l'Institut Pasteur de Lille qui disait, en fait, vous savez, ce siècle, on était à la fin 20e, 1999, il disait, ce siècle finalement se termine comme il a commencé, hein, et que des choses qu'on croyait éteintes, je pense à la tuberculose par exemple, entre autres, hein, eh bien on revient à des pathologies qui sont effectivement des pathologies qu'on pensait éradiquer ou disparues. Je pense qu'une grande partie aussi des raisons à évoquer dans ce qu'on discute tous les deux depuis tout à l'heure et avec nos auditeurs, c'est le problème de la grande misère de l'humanité et de la pauvreté, hein. Là aussi, en France, je vous assure qu'on va découvrir que le virus a beaucoup pu cibler des gens qui vivaient dans des conditions difficiles. Et pour différentes questions, donc l'éradication de la pauvreté reste pour moi tellement importante. On n'a pas les chiffres des mortalités et de la façon dont ce virus a attaqué les bidonvilles en Inde, par exemple. En Afrique, ça semble pas trop. Mais je sais pas si on a toutes les informations là-dessus. Il faut attendre encore un petit peu, je pense, pour qu'on sorte tout ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a les inégalités sociales ont été monstrueuses dans l'impact de la viralité de ce Covid-19. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est tellement, tellement, tellement, tellement important. Et sur l'Afrique, je vais vous renvoyer à la chronique que nous avions consacrée avec l'équipe de la méthode, justement, hein, sur les perspectives épidémiologiques de la diffusion du virus en Afrique. On a longtemps pensé que l'Afrique était relativement préservée jusqu'à présent. Beaucoup de prudence là-dessus. Et avec une question qui est en train de revenir et qu'on va traiter d'ailleurs la semaine prochaine dans la chronique radiographie du coronavirus, qui est celle de la saisonnalité, qui reprend un peu du poil de la bête, manifestement, selon les statistiques épidémiologiques dont nous disposons depuis la fin du confinement. Mais maintenant, avec vous, Gilles Boeuf, et dans la prochaine demi-heure, nous allons essayer de nous projeter dans l'avenir et nous dire, puisque nous n'avons pas tiré de leçons des épidémies précédentes, pouvons-nous en tirer de celle-ci? Que faire pour éviter, eh bien, que ce que nous venons de vivre ne se reproduise avec un autre virus? Mother Nature, go on and take your course. Ooh, and I take me with you. Hey, I wanna leave. Oh, Mother Nature, take the chains off. My head. like, well, it's killing me. Can't you see you're the only one to turn to? Mother Nature des Temptations à 16h35 sur France Culture. Pourquoi ne pas écouter justement ce qu'a à nous dire la mère nature, ou en tout cas notre planète, la vie sauvage, la biodiversité? C'est la question que nous nous posons en compagnie de Gilles Boeuf, qui est avec nous, biologiste et professeur invité au Collège de France et professeur à Sorbonne Université. Maintenant, on aimerait évidemment se poser la question un peu de comment, puisqu'il y avait des signaux d'alerte que nous n'avons manifestement pas su entendre collectivement, quelles leçons tirer d'ores et déjà aujourd'hui pour éviter que tout cela se reproduise. Et Gilles Boeuf, vous dites, alors, pour le coup, quelque chose, un message qui est pas très encourageant pour l'avenir, vous dites, ce n'est que le début, la prochaine sera pire. Qu'est-ce que c'est que ce ton d'aruspice de malheur, Gilles Boeuf, voyons? D'autant plus que c'est pas mon style, je suis tout pas un catastrophiste. On vous connaît pas comme ça. C'est pas mon style, non. Et puis je tombe pas non plus dans la collapsologie, c'est pas mon truc. Non, simplement c'est que je crois que là il est temps. Vous savez, j'ai participé à des émissions assez, je dirais, des questions saugrenues du style est-ce que c'est une vengeance divine ou une revanche de la nature? Alors vous voyez, pour un biologiste, d'abord la nature, pour moi, elle est pas le sujet d'un verbe dans une phrase. Elle fait ce qu'elle veut, la nature. Hein. Simplement, c'est que vraiment là, c'est une alerte. Hein. Alors, on en a eu pas mal déjà jusqu'à présent. Tout à l'heure, vous évoquiez avec justesse que des maladies bien plus dangereuses ont démarré puis se sont arrêtées, hein, à trouver pourquoi elles se sont arrêtées. Celle-ci, effectivement, a fait un tour du monde rapide. Va-t-elle s'arrêter? La question est lancée, on va bien voir. Mais c'est vrai que on crée des conditions aujourd'hui. Moi, je pense que on a parlé de la pauvreté tout à l'heure. Hein. Les grandes villes africaines aussi, on a parlé un petit peu de l'Afrique. On a des gens qui vivent dans des conditions tellement misérables en Asie du Sud-Est, en Amérique latine aussi. De plus en plus de monde dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, chez lesquels les barrières immunitaires, bien sûr, sont fortement baissées. Ils mangent pas à leur faim. Ils vivent dans des stress perpétuels. Tout ça favorise, bien sûr, la capacité à devenir beaucoup plus attaqué par ces pandémies, par ces virus ou ces bactéries. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui comme enseignement, on sait des choses. Hein, quand on regarde, donc on a dit oui, ça va revenir. Alors, et puis ça n'a pas suffi. Donc maintenant on a ceci. Et tout à l'heure on l'a dit avant la pause musicale, vous l'avez bien dit. Est-ce que cette pandémie va être l'électrochoc collectif qu'il nous faut pour qu'on fasse différemment? Je travaille beaucoup en ce moment, moi. J'ai même fait durant le confinement une audition à l'Assemblée nationale, une audition au Sénat. Je fais plein de choses, hein, en virtuel, c'est très bien. C'est, va-t-on effectivement reprendre un jour d'après qui ne soit pas un retour au jour d'avant, comme l'a annoncé le président Macron? Je le voudrais tellement, en fait. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, là, sans être un catastrophiste, on va en avoir une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et on ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas confiner en permanence, comme on l'a fait là. Moi, c'est un grief que je ferai aussi au système en France, je le dis clairement devant tout le monde. Le comité scientifique, je ne l'aurais pas composé que de médecins. Bien sûr qu'il fallait des médecins, évidemment. Mais vous croyez pas qu'il manquait un vétérinaire, hein? On parle de maladies d'animaux. Vous croyez pas qu'il manquait un écologue, un sociologue, même un philosophe, pour qu'on fasse pas vraiment, qu'on trouve des solutions qui soient plus pluralistes dans le système. Bien sûr que nos amis médecins, nos amis soignants ont été exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'on avait débordé leur capacité de réaction, oui. Parce qu'on les a abandonnés depuis pas mal de temps déjà, hein. Faut bien le dire. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi une médecine beaucoup pas plus dédiée au fait que on prépare ceci, on fait tout pour que les gens ne soient pas malades, au lieu d'attendre qu'ils soient malades pour effectivement agir dans l'urgence? Vous savez, c'est Edgar Morin que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup dans notre émission aussi, qui disait encore récemment au président de la République, il disait, vous savez, c'est pas la frénésie de découvertes scientifiques ou technologiques aujourd'hui qui pose problème, c'est l'usage que l'on en fait. Et qu'est-ce qu'on fait comme usage de ces connaissances que l'on a? Il y a deux aspects essentiels contre lesquels je me suis heurté aussi durant ce confinement, qui vont ramener à ce qu'on disait tout à l'heure. Un, la connaissance. Je lisais un article récemment, il y a que 20% des Français qui s'estiment aujourd'hui capables scientifiquement de suivre quelque chose de près, donc c'est quand même pas beaucoup. Et puis donc on avoue un déficit de connaissances, mais pour moi largement aussi important chez nos jeunes, c'est l'esprit critique. Regardez, vous en avez parlé, toutes les bêtises, excusez le terme à l'antenne, mais les conneries qu'on a racontées durant le confinement, c'est une vraie question, parce qu'on n'a plus cet esprit critique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et là j'ai ma diatribe que j'utilise depuis longtemps pour relancer l'essence de la vie et de la terre au lycée. Bien sûr. On est dans un pays où on est en train de nous détruire l'essence de la vie et de la terre. Nos enfants ont tellement besoin, et les grands aussi bien sûr, hein, de connaissances et d'esprit critique qui leur permet de beaucoup mieux appréhender ces questions qui nous entourent aujourd'hui. Et donc dans le jour d'après, dans le comportement qu'on doit avoir maintenant, tout ça doit être pris en considération, c'est bien évident. Comment on fait? Parce que là, bon, j'en ai pas encore parlé, mais je suis tellement... C'est un désastre pour moi, comment les femmes ont mal vécu ce confinement et ont été dans des positions encore dramatiques. Elles ont beaucoup plus souffert que les hommes. Pourquoi? Il faut se poser la question, avec les enfants, bien sûr, aussi. Hein. Donc, ça veut dire que tout ça est lié. Et je dirais, pour elles, ce qui est un peu mieux, c'est que le virus, il a mieux ciblé les garçons que les filles. Il y a plus de morts chez les hommes que chez les femmes. Tant qu'on n'avait pas pris les EHPAD en considération, c'était spectaculaire. Après les avoir pris, dans la mesure où il y a plus de femmes que d'hommes, ça a changé un petit peu. Mais quand même, le virus a tué beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, on est sur quelque chose où on doit tout faire pour nous mettre dans la position de non réceptacle à ces pandémies qui vont survenir. Un, tout faire pour qu'elles se produisent pas, et ça on a répondu déjà à la question, arrêter ces marchés incroyables, arrêter les élevages trop intensifs, hein, élever un beau poulet fermier à la française qui court dans le champ, ça me pose aucun souci. Par contre, des élevages avec des 4 poulets au mètre carré, regardez les des conditions qui sont épouvantables. On n'en a pas encore parlé depuis tout à l'heure, mais vous connaissez bien le sujet aussi. Quand on séquence des sols sous des élevages industriels de cochons ou de poulets, on trouve toutes les bases génétiques en fait de résistance aux antibiotiques. Et l'antibiorésistance. Quand ce sont des élevages, quand ce sont des élevages en plein air, parce que c'est souvent des élevages qui sont en intérieur sur des caillebotis d'animaux qui ne voient jamais la lumière du soleil. On est bien d'accord, bien sûr. Donc tout ça, c'est la même maltraitance de la biodiversité. Donc changer totalement notre regard par rapport au vivant. Et pas se dire, puisque c'est un virus de chauve-souris, je vais éradiquer les chauves-souris. Au contraire, je vais utiliser, dans le bon sens du terme, elles sont pas là pour nous rendre service, mais je vais les avoir avec moi pour qu'elles contrôlent ces virémies dans les endroits où elles sont là. Elles ont de fabuleuses capacités immunitaires, les chauves-souris. Il y a belle lurette, sinon qu'elles seraient parties. Puis les chauves-souris, c'est passionnant parce que regardez, elles sont des réservoirs à virus, c'est très juste, mais c'est des animaux qu'on connaît pas beaucoup. Vous savez que sur 5000 espèces de mammifères, un petit peu plus, il y a plus de 1000 chauves-souris. Bien sûr. C'est fantastique. Peu de gens le savent, hein. Extrêmement abondant chez les mammifères, les chauves-souris. Je parle de en mémoire. Plus, on les connaît mal parce qu'on n'a pas beaucoup de fossiles non plus de chauves-souris. Hein. Je parle de mémoire. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en considération. Je vais renvoyer les auditeurs. On avait consacré au tout début de l'épidémie une émission justement sur les chauves-souris. Je parle de mémoire. Je crois que c'est un tiers des mammifères, les chauves-souris, en termes de population. Oui, c'est fou, hein. C'est énorme. Moi, j'étais à la cinquième. Vous voyez un peu, c'est incroyable. On a dit les rongeurs. Vous en avez parlé très bien tout à l'heure aussi. Regardez le cas, par exemple, justement. Vous me parlez de la peste noire. C'est une bactérie là. Elle est passée des gerbilles du désert, des petits rats kangourous aux rats. Et les rats étaient pas en Europe. Les rats étaient des espèces d'Asie. Elles sont venues après, hein, en Europe. Aujourd'hui, il y a des rats absolument partout. Hein. Les humains les ont transportés partout contre leur volonté, mais ils sont là. Et ils ont contribué la trilogie qu'on évoquait tout à l'heure du rat, de la puce et de l'humain à créer ces situations là. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une culture de l'impact. Il faut qu'aujourd'hui tout le monde tous les niveaux, y compris au niveau de chacun, de chaque citoyen, se pose la question, si je fais ça, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est très très important. La science doit s'emparer de ces questions-là, bien évidemment. Je parle de science, pas d'opinion. Hein. Il faut vraiment qu'on ait de l'expérimentation sur ces questions-là. Qui travaille sur la biodiversité aujourd'hui, sur les effets d'illusion, on en parle, mais il y a très peu de gens. Hein. On a eu des grands scientifiques français qui en ont parlé récemment, comme Serge Morand, ou Jean-François Guégan, par exemple, qui sont des spécialistes de ces questions-là. Mais l'IRD a beaucoup travaillé sur ces questions-là aussi. Comment l'Institut de recherche et développement fait ce passage du sauvage au domestique et à l'humain. Puis ça relance tout le débat qu'on a eu tout à l'heure aussi sur les explosions en fait démographiques dans des zones du monde. Regardez l'Africain qui est profondément paysan dans le vrai beau sens du terme que j'admire au départ et qui s'accumule dans les périphéries des très grandes villes sans aucun droit social particulier. La détresse et la misère sociale sont d'incroyables facteurs qui aident ces épidémies à se répandre partout. D'ailleurs, compléter ce que vous disiez, ou en tout cas les propos que je vous attribuais tout à l'heure sur le fait que la prochaine sera pire, l'IPBES, hein, qui est le GIEC de la biodiversité, déclarait le 27 avril dernier, donc tout récemment, il y a moins d'un mois, les futures pandémies risquent de survenir plus fréquemment, de se propager plus rapidement, d'avoir un impact économique plus important et de tuer davantage de personnes si nous ne sommes pas extrêmement prudents quant aux impacts possibles des choix que nous faisons aujourd'hui. Ça vient donc du GIEC de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire, alors, c'est déjà déjà difficile de le dire a posteriori. Mais enfin, là, aujourd'hui, on a quand même le groupe d'experts international reconnu qui nous dit, si on continue comme ça, ça va recommencer et ce sera pire la prochaine fois. Donc, alors maintenant, parlons concrètement, Gilles Boeuf. Comment on fait en sorte... Vous dites, alors, par exemple, je vais prendre un argument. Vous dites, fermez les marchés de brousse. Très bien, fermez mais ces marchés-là, en fait. Est-ce que c'est pas un peu occidentalocentré de dire on va fermer les marchés de brousse? Il y a quand même une partie importante de la population qui continue à avoir besoin de ces marchés pour avoir accès à de la nourriture de façon régulière, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je le dis pas de façon aussi péremptoire. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que, quand on met en même temps des animaux vivants, un marché de viande, par exemple, il y a la viande de brousse qui débarque à Paris tous les jours, dans des conditions illégales, hein. Vous savez qu'on regarde même pas ce que c'est. Quand on les trouve, on détruit les stocks. Alors qu'on sait pas, c'est de la chauve-souris, c'est du grand coudou, c'est du pangolin, on n'en sait rien. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des grands aéroports français, d'abord pour contrôler ce qui se produit, et regarder de quel pays cela vient, dans quelles conditions. C'est pas nous qui allons fermer les marchés de brousse, effectivement, en Afrique. La question, c'est aujourd'hui qu'on ait des conditions... Là, c'est des sciences vétérinaires qui sont à l'épreuve, hein, avec bien sûr les médecins également aussi. Vous savez, c'est le projet One Health, hein. Oui, voilà, je voulais vous en parler. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que c'est que ce projet, parce que là, c'est un Alors, vrai c'est projet. Un projet en fait, voilà, allez-y. Et là, le virus est génial pour nous amener de l'eau à notre moulin. Ce projet-là est un projet mondial qui a été lancé il y a quelques années sur le fait que les santé de tout ce qui vit, y compris des plantes, hein. Il faut mettre les plantes dedans aussi. Hein. C'est pas que des caisses. Puis des micro-organismes, évidemment, qui génèrent effectivement ces pathologies, hein. Donc ça peut être effectivement des virus, des bactéries, même des protistes, hein. Les protistes, c'est grosses cellules à noyau, des levures, les micro-algues marines, hein, peuvent vous tuer, hein. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est vivant, qui nous entoure, on connaît à peu près aujourd'hui sur la Terre 2,4 millions d'espèces décrites, hein, déposées dans les musées. Il y en a probablement 10 fois plus. Donc c'est une vraie question. On est entouré par des milliers d'espèces possibles de pathogénies chez l'humain, à terme, bien évidemment. Comment est-ce qu'aujourd'hui, par un respect plus grand, une démarche scientifique qui est mise en place, on apprend mieux à les connaître, à les gérer, pour éviter ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc la prochaine pandémie, c'est clair, alors c'est pas détruire le marché de brousse. En plus, vous avez des pharmacopées traditionnelles qui vont être difficiles, effectivement, à stopper. Simplement expliquer aux gens que bouffer de la corne du rhinocéros, ça va pas vous rendre Bien plus sûr. Puissant au niveau sexuel. C'est aussi le pangolin dont on mange des écailles. Donc ça veut dire que pour moi, c'est quand même, c'est l'importation de ces produits qui pose quand même problème dans des conditions. C'est comme si souvent illégal, en plus, ça se fait n'importe comment. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit, le marché international d'espèces sauvages, vous savez que je ne sais plus à quel niveau il est classé, mais c'est du niveau du trafic de drogue, bien hein, sûr. Ou du trafic des armes. Très important. Mais justement, Gilles Boeuf, la question, c'est que des concepts comme One Health, qui est un concept d'institution internationale, donc l'OMF, la FAO, c'est-à-dire la Food and, l'Organisation de l'Agriculture et de la Nourriture, c'est quoi FAO déjà? Bon, je vais retrouver ça, peu importe. FAO, oui, c'est la Food Administration. Oui, c'est ça, ouais. Bref, et l'OIE qui s'occupe de la santé animale, est-ce que ces institutions internationales aujourd'hui ont, disons, les moyens d'impulser à l'international, avec toute la difficulté qu'on connaît d'intervention dans différents pays, mais que ce soit quel qu'il soit, que ce soit des pays du Nord ou des pays du Sud, pour véritablement transformer ce rapport à la biodiversité, quand on sait que il a une part culturelle très importante, pardon, dans encore nombre de pays. Est-ce qu'il n'y a pas un biais? Bien sûr, mais Manel, c'est ça, c'est effectivement regarder la santé de tout ce qui vit, des micro-organismes, des plantes, hein, des champignons, des animaux et des humains. Parce qu'on se rend compte que tout est lié. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit en introduction, les humains se sont contaminés par des contacts avec des animaux sauvages. Au départ, on n'avait pas encore d'agriculture, hein. On était chasseurs-cueilleurs, et puis un jour, on bouffait un truc qu'on n'aurait pas dû bouffer, et puis on n'avait pas les capacités à nous défendre. C'est ça qui est extrêmement important de regarder aujourd'hui. Alors, est-ce que ça, certes, au niveau alors plus local, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national, au niveau français ou au niveau européen? Je parle du niveau européen parce que là, il y a un projet de relance qui s'appelle, ou en tout cas, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel, allemande, ont milité pour ce qu'on appelle un Green New Deal. Est-ce que j'ai vu cela. Alors, est-ce que c'est déjà de quoi il s'agit? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que ça peut fonctionner? Ou est-ce que c'est encore une usine à gaz qui va déboucher sur rien du tout? Je suis un peu froid du collier, mais enfin là-dessus, on n'a pas l'impression que ça bouge quand même au niveau des superstructures, qu'elles soient nationales ou internationales. Vous savez, on a tellement envie que ça marche aujourd'hui. Vous savez, maintenant, je vais dire une chose. Moi, je suis enseignant et je crois que je dois être un des rares enseignants français qui enseigne un petit peu partout. Je suis à Sciences Po Paris, je suis bien sûr au Muséum, à Jussieu en écologie, dans les écoles de médecine, dans les écoles vétérinaires, à l'école de la magistrature, dans les écoles du commerce. Donc, je vois chez nos jeunes l'impact de tout ça. Ça fait belle lurette qu'ils savent bien que ce ne sont pas des élucubrations d'écolos farfelus. Et donc, ils sont concernés par ces questions-là. Ce matin, j'ai des chefs d'entreprise de la région toulousaine. Personne ne se met à rigoler quand on parle de ces questions-là. Donc, j'ose croire que plus d'une personne sur deux est convaincue qu'il faut qu'on change. Pourquoi ? Parce que, regardez ce qui s'est passé dans les mécanismes de l'évolution depuis le démarrage de la vie. La vie, elle a 4000 millions d'années, cette vie sur la Terre. Elle a fait face à des horribles agressions diverses et variées. Elle a failli disparaître plusieurs fois. Elle est toujours là parce que elle s'est adaptée. Et pour s'adapter, il faut changer. Et c'est là que ces Green Deal et tout ce qu'on peut imaginer sont essentiels. Maintenant, il faut une adhésion massive des populations. Il ne faut pas que ce soit effectivement des choses qui soient que portées par des ONG. Les gouvernements doivent réagir. Quel est le problème, en fait, de nos gouvernants? C'est que, d'abord, ils ont un manque de connaissances globales. Hein. Moi, j'attends des cours d'écologie à l'École nationale d'administration, toujours. Ça ne s'est toujours pas produit. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Hein. Il faut que ces gens-là sachent qu'ils sont faits à moitié de bactéries et à moitié de cellules humaines, et comme vous le disiez, de 4% dans leur ADN, d'ADN viral. On partage pour l'ADN codant, on partage 60% avec une banane, de dire avec une mouche. Donc, on est dedans. Chaque matin, parce qu'on a dormi dans notre lit, on a 1 à 2 millions d'acariens. On est dedans jusqu'au cou. Tant qu'on n'aura pas admis que nous sommes le vivant, nous sommes la biodiversité, on vit pas à côté, il se produira ce genre d'événement que l'on vit ici. Donc, est-ce qu'un Green Deal, ça passera d'abord, pour moi, le premier aspect, c'est une éducation massive depuis des tout petits, hein, à l'école maternelle et partout dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, à l'école primaire, au collège, au lycée, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'administration, dans les écoles de commerce. On peut pas ne pas avoir des notions d'écologie. Je parle de la science écologique, bien évidemment, hein, pas d'écologisme qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est différent. Et après cela, quelles mesures prend-on au niveau international? Vous avez tout à fait raison. C'est pas la France qui va contrôler la viande de brousse qui débarque à Roissy tous les jours. Il faut le faire. Mais comment est-ce que collectivement on va tous s'y coller et s'y mettre? Parce que quand on parle d'Ebola tout à l'heure sur l'Afrique, elle cogne d'abord sur les Africains, cette pathologie d'Ebola. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait une réserve de gorilles au Gabon, on a perdu 86% de nos gorilles. Ça montre tout à fait ces relations One Health, la santé des plantes, la santé des animaux et la santé des humains. Et tous les ponts qui ont été créés depuis la nuit des temps sont toujours là. Mais aujourd'hui, on les accélère par la mondialisation dans les transports, par exemple. Par aussi la misère sociale, par la promiscuité qu'on a vue tout à l'heure dans les grandes villes, hein, qui joue un rôle très important. Hein. Les conjonctions épidémiques et les conjonctions de crise environnementale, climatique, mais aussi sociale, jouent à tous les niveaux. Et puis je vais rajouter des crises philosophiques, politiques, financières, économiques. J'aurais parié au début du mois de janvier que ce virus allait faire tour du monde à cette vitesse-là? Personne. Donc c'est là vraiment qu'aujourd'hui, il faut vous rappeler l'effet papillon de Lorenz dans les années 60. Bien sûr. Eh bien oui. Le battement d'ailes des papillons peut déclencher un cyclone au Brésil. De par les activités humaines, peut déclencher ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais Gilbeuf, alors je suis désolé, je vais faire, je ne sais pas, ou le sale type, ou le pessimiste, ou le pragmatique, cocher la case qui vous convient. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, qu'il faut une éducation à l'écologie, à la biodiversité, personne ne dira l'inverse, je pense, ou alors vraiment une minorité de personnes très réactionnaires ou très conservatrices, enfin, bref, je ne sais pas, ou en tout cas de gens qui n'ont pas ce concept-là. Vous dites aujourd'hui, quand vous allez faire des interventions à Toulouse, vous parlez à des chefs d'entreprise qui concèdent qu'il faut aussi faire des gestes. Et pourtant, on voit bien que pendant le confinement, face à la récession économique qui se présente, le patron du MEDEF demande à assouplir les normes environnementales pour pouvoir recommencer à faire du profit. Donc on a quand même le sentiment que cette culture, c'est une très belle chose, mais que de là à ce qu'elle traverse et qu'elle devienne motrice de nos sociétés contemporaines, il y a un travail considérable à faire. Et encore, on ne parle que d'autres points de vue occidentalo-centrés. Tout à fait. Non, je suis désolé de casser l'ambiance. Non. C'est évident, vous imaginez bien que ce sont des oppositions qu'on me fait très souvent, que je comprends parfaitement. Je suis le premier à les imaginer même à l'avance. Ce qui se passe simplement, pour être un petit peu clair, c'est que cette économie actuelle, qui consiste par la loi du marché uniquement dans un libéralisme de plus en plus débridé. Regardez l'exemple incroyable récemment sur le prix du pétrole. Franchement. Pour un biologiste, c'est ahurissant. Pourquoi les gilets jaunes sont entrés en rébellion, c'était en fin novembre 2018, parce qu'on avait augmenté le prix du gasoil. Le gazole, il est tombé aux États-Unis à 18 centimes de dollars il y a un mois, là. Le baril de pétrole était négatif. C'est-à-dire qu'il est passé de 120 dollars au maxi, ou 140 à une époque, à moins 20. Cette spéculation, elle est incroyable. Et on oublie une chose, c'est que dans la nature vivante, on paye toujours ses dettes. Et on a mis en place une économie délirante qui consiste à faire de l'argent et du profit en détruisant notre capital, la nature, ou en la surexploitant. C'est là que c'est plus possible. Et là, je suis désolé, ça va forcément s'arrêter. Comment imaginer une croissance infinie dans un monde fini? Si je reviens aux avions de tout à l'heure, je dirais ça à mes amis des compagnies d'aviation. La question, c'est comment est-ce que le transport aérien nous en faut? Tout la France, elle a quand même des directeurs ultramarins. Heureusement qu'on a des relations avec eux. Ça, c'est important. Mais n'empêche que la question, c'est pas quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait auparavant. Et ça relance tout la question du low cost, hein. C'est pareil en alimentation. Le jour où on paiera décemment le monde paysan pour avoir des produits sains qui nous maintiennent en bonne santé, en ne mangeant pas trop, on arrêtera les pesticides. On peut pas aujourd'hui continuer dans un monde où l'ultime système, c'est de produire de plus en plus, de moins en moins cher. Je suis désolé. Où mettons les priorités? Hein, il fut une époque en France où quand quelqu'un allait faire ses courses, la moitié de ce qu'il dépensait, c'était de la nourriture. C'est 15% aujourd'hui. Donc, et là-dessus, je pense que chacun est capable de réagir. Bien sûr. La première réaction de chacun, c'est qu'est-ce qu'on mange? Et dans les populations africaines, je vous assure que quand vous êtes avec ces gens-là, d'abord, ils ont des solutions que nous, on n'a pas. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et ils n'ont aucune envie de nous envahir de façon massive. Mais nous sommes condamnés, je dirais de la façon la plus naturelle possible, à les aider à être bien chez eux. Bien sûr. Parce que, effectivement. On a une responsabilité. On a pollué, le climat a trop changé. Ils sont pas responsables du changement climatique et c'est eux qui en payent les conséquences. Faut vraiment, et là, la réaction du MEDEF de l'autre jour, pour moi, elle est ahurissante. Ouais. Hein. Ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité. Une question pour conclure, Gilles Boeuf, et pour préciser peut-être le propos qui sous-tend, disons, en catimini, en filigrane, ce que j'essaie de vous faire dire depuis tout à l'heure. Est-ce que, aujourd'hui, la solution, finalement, face à l'extraordinaire difficulté de mettre en œuvre ces solutions de manière nationale, supranationale, via des organismes internationaux, via des ONG, elle ne passe pas, elle ne débute pas justement par l'individu. Point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité du changement, elle est dans nos mains, à nous, en tant que citoyennes, en tant que citoyens, point barre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux qui est convaincu qu'il faut qu'il change. Il faut qu'il s'adapte, parce que ça a changé. Et pour s'adapter, il faut changer. Donc ça, je pense qu'on va pas manger la même chose, on va pas vivre de la même façon. Bien que encore, je voyais là récemment, en ouverture de plage, les plages jonchées de masques anti-Covid. C'est ahurissant, hein. Donc il y a quand même encore du travail, vous avez tout à fait raison. Parce que si les citoyens changent et le système change, le monde politique changera. Vous savez, pour un homme politique, c'est compliqué parce que on est élu sur une petite surface pour une petite période. Et là, on évoque des problèmes qui sont sur des dizaines d'années et qui sont planétaires, en fait. Donc ça relance les questions de gouvernance, bien évidemment. Et ce sera le mot de la fin, Gilles Boeuf. On arrive à la fin de cette émission, je suis désolé de vous interrompre, mais vous savez que quand on est avec vous, on pourrait passer 2 heures, on pourrait prolonger, on pourrait pousser cette conversation et terminer à minuit, mais enfin, il faut bien que, voilà, les choses arrivent à leur terme. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter avec vous au cours de cette heure. Merci d'avoir accepté notre invitation, et puis vous revenez évidemment quand vous voulez. Merci à toute l'équipe. Avec bonheur. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Eve Etienne, Natacha Triou, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Demain, on a envie de croire, we want to believe, qu'il y a eu un crash extraterrestre, que les États-Unis dissimulent des communications avec d'autres civilisations qui sont parmi nous. Bref, vendredi, fiction, vous l'aurez compris. On part pour la zone 51 demain à 16h et avant ça, on se retrouve à 8h55 demain matin pour la dernière des radiographies du coronavirus de la semaine jusqu'à preuve du contraire.